Chapitre 4. Le village de Mulsan, sur le territoire duquel se trouve le château de Rudemont, est desservi, pour la poste, par le bureau de Condé-le-Château. Malgré la distance, c'est un facteur de Condé qui, tous les jours, vers 2 ou 3 heures de l'après-midi, apporte les lettres et les journaux au château. C'est sa dernière étape. Il y fait un fort dîner, et il part de là pour rentrer à Condé après 10 heures de marche. Le matin du jour où cette histoire commence, le père Gadebled, le facteur de Mulsan, avait trouvé, en faisant le tri dans le bureau de poste de Condé, une lettre adressée à M. le marquis Arthur de Rudemont, et portant au haut de l'enveloppe la mention spéciale, personnelle et très pressée. Très pressée. Il était 7 heures du matin, il ne serait à Rudemont en suivant sa tournée qu'à 2 heures de l'après-midi. Le père Gadebled vivait dans le respect et l'adoration du marquis qui, depuis 10 ans, lui faisait donner à dîner tous les jours, sans compter 2 louis d'étrenne au 1er janvier. Comment faire pour que cette lettre parvint tout de suite à Rudemont? À un moment, il avait pensé à changer l'ordre de sa tournée et à la commencer par Mulsan. Mais la religion du service avait arrêté cette idée révolutionnaire. Alors, passant par chez lui avant de se mettre en route, il avait donné la lettre à son jeune garçon qui allait partir pour l'école en lui recommandant de la porter tout de suite à Rudemont. En sortant de la ville, le gamin avait obéi à la recommandation paternelle. Mais bientôt, la flânerie et le jeu la lui avaient fait oublier. Et il n'était arrivé au château de Rudemont qu'à midi, au moment où le marquis, après son déjeuner, venait de monter à cheval pour aller faire une promenade dans la forêt. L'enfant était resté tout d'abord penaud et confus. Puis il avait insisté pour qu'on lui expliquât de quel côté M. le marquis était parti. Il courait après et le rejoindrait. Il fallait qu'il lui remît une lettre pressée. Comme ce moyen ne pouvait paraître praticable qu'à un enfant, le domestique, auquel le malheureux gamin s'adressait, lui avait pris la lettre des mains et l'avait portée dans le petit salon où Mme Méraud et M. de Carquebus, moins expéditifs que le marquis, prenaient leur café. Peut-être, madame, comme on disait en parlant de Mme Méraud, saurait-elle où M. le marquis était allé. Alors un domestique, montant à cheval, pourrait lui porter cette lettre. Mais Mme Méraud ne savait rien. En sortant de table, le marquis était parti sans rien dire. « Et qui donc a besoin de monsieur le marquis ?» demanda monsieur de Carquebus, tout en battant lentement dans sa tasse l'eau-de-vie de cidre qu'il venait de mélanger à son café. « C'est une lettre pressée qu'un enfant apporte. Eh bien, donnez. Mais monsieur, donnez donc !» Les domestiques n'avaient pas l'habitude d'hésiter devant l'ordre de monsieur de Carquebus, qui savait se faire obéir et plus encore se faire craindre. Celui qui portait la lettre posa le plateau sur le guéridon et sortit. « Qui diable peut envoyer une lettre pressée au marquis ?» dit M. de Carquebus, surpris et blessé que pour une chose urgente, on ne se fût pas, comme de coutume, adressé à lui tout d'abord. Il prit la lettre. « Tiens, elle porte le timbre de Paris. » « Alors, dit Mme Méraud, il est probable que c'est Gadebled qui, voyant l'indication pressée, lui aura envoyé un gamin. Évidemment. Une écriture couchée, coulée, les mots à peine formés, c'est une femme, d'ailleurs ça sent bon. » Il flaira la lettre et la retourna. Pour initial, un E et un L. Arthur a donc fait des fredaines dans son dernier voyage à Paris. Il faut voir ça. Il allait couper l'enveloppe quand Mme Méraud lui arrêta vivement la main. Vous n'allez pas ouvrir cette lettre, j'espère. Et pourquoi non, je te prie? Mme Méraud avait depuis longtemps perdu l'habitude de tutoyer son frère. Elle trouvait cela plus digne et plus noble. Mais M. de Carquebus, qui n'avait guère souci de la dignité, continuait de tutoyer sa sœur. Êtes-vous gris? Demanda-t-elle. Et toi, es-tu folle? Comment, de sang-froid, pouvez-vous avoir l'idée de lire une lettre qui n'est pas pour vous ? Il rejeta la lettre sur le plateau et se remit à battre son glorieux à grands coups. Mme Méraud se leva, et allant à la porte, qu'elle ouvrit, elle constata qu'il n'y avait personne dans le vestibule pour l'écouter. Alors, revenant vers son frère et se posant devant lui, « À propos de cette lettre, laissez-moi vous faire une observation que j'ai depuis longtemps sur les lèvres. Si tu l'as depuis longtemps, il n'y a pas d'inconvénient à ce que tu la gardes encore. Fais-moi donc grâce. » Tu aimes à prêcher, c'est bien. Moi, je n'aime pas entendre prêcher. Nous ne contrarions pas dans nos goûts. Mais Mme Méraud ne se laissa pas imposer silence. Il ne s'agit pas de nos goûts. De ce côté, je vous laisse parfaitement libre et ne vous contrarie pas, si peiné que je puisse être. Il s'agit de nos intérêts, au moins des vôtres. Et là-dessus, vous entendrez quand même ce que je crois devoir vous dire. M. de Carquebus avait bu son Gloria à petite gorgée. Sa tasse vide, il la remplit de cognac. À ta santé! Dit-il. Puis, ayant vidé sa tasse d'un trait, il alla se jeter sur un canapé. « Je t'écoute. » dit-il, défile ton chapelet, mais si je m'endors, ne me réveille pas. » Il s'étendit sur le canapé, posant ses bottes sur l'un des coussins et sa tête sur l'autre. Sa barbe rousse, se dressant en l'air, ressemblait à un nid de broussailles. « Ce que je veux, commença Madame Méraud, c'est vous donner un avertissement. Vous en ferez tant dans cette maison que notre cousin finira par se fâcher. Je voudrais voir ça. Continuez, et vous le verrez certainement. Jamais. Arthur est incapable de se fâcher. C'est un mouton. D'ailleurs, il a peur de moi. Chacun a sa manière pour établir son influence. Toi, c'est par la douceur, moi, c'est par la crainte. Comme ça, nous ne nous jalousons point. Je ne vous dis pas que le marquis ne vous craint point. Je crois même qu'il prend toutes sortes de précautions pour ménager votre caractère. Mais je dis que vous en arriverez à vous faire si bien craindre qu'il voudra se débarrasser de vous. Il n'oserait pas. Croyez-vous qu'il n'aurait pas été exaspéré si vous aviez ouvert cette lettre? Et croyez-vous que dans un mouvement d'exaspération, il ne serait pas homme à vous faire sortir d'ici? Comprenez donc que lorsqu'on a passé la mesure, c'est de ces explosions de colère qu'on doit avoir peur. Je fais peur aux autres, mais pour moi je n'ai peur de rien. Ne dites pas de niaiseries. Vous savez bien qu'avec moi ces gasconnades sont inutiles. Vous seriez un sot de braver le marquis sans raison et à propos de choses futiles. Croyez-moi, gardez une juste mesure. Tu m'ennuies avec ta mesure. Je comble la mesure. Je dois garder la mesure. Explique-toi. C'est bien simple. Et si vous vouliez examiner vos agissements depuis 10 ans que vous êtes ici, vous verriez vous-même qu'il est grand temps de vous arrêter dans le chemin que vous avez pris. Car la culbute est au bout et ce bout maintenant n'est pas éloigné. Récapitulez depuis l'histoire des chevaux du marquis que vous lui prenez pour votre début, jusqu'à celle du pot de vin de 10 000 francs que vous vous êtes fait donner il y a 15 jours pour la dernière vente de bois. Qui t'a dit « Je le sais, cela suffit ». Croyez-vous que si Arthur, dans un moment d'exaspération, faisait lui-même cette récapitulation, il ne se fâcherait pas? S'il faisait le même compte à propos de toi, il me semble qu'il pourrait bien se fâcher aussi. Et pourquoi, je vous prie? En quoi ai-je blessé le marquis? En quoi l'ai-je gêné? Depuis 10 ans que je suis ici, j'ai tenu sa maison de telle sorte que je l'ai économisé au moins 500 000 francs. Tandis que vous, de votre côté, vous lui en gaspillez quelques centaines de mille. Et ce n'est pas là la seule différence entre nous. Tandis que vous faisiez tout pour vous rendre insupportable, je faisais tout, moi, pour me rendre indispensable. Tu ménageais l'héritage d'Arthur, voilà tout. Et vous, vous le compromettiez, voilà la nuance. J'aime mieux la franchise que l'hypocrisie. Il n'y a point d'hypocrisie dans ma conduite. Je n'ai jamais caché que je comptais sur cet héritage, non pour moi, mais pour mon fils. Et tu voudrais bien que monsieur ton fils fût seul à l'orgueillir, n'est-ce pas? Si Arthur me faisait sortir d'ici, comme tu le dis, cela arrangerait bien vos affaires. Un testament, et le tour serait fait. Monsieur le magistrat serait propriétaire de Rudemont, un joli coco pour cela, avec sa mine pâle, ses yeux en coulisses, et sa figure de sucre de pomme. Un garçon de 25 ans, qui ne sait seulement pas boire de bouteille et qui a peur des filles. Le fameux seigneur de Rudemont. Rudemont m'appartient, je vous le prouverai. Il me semble que nos droits sur Rudemont sont égaux aux vôtres. Je suis l'aîné, et je suis un homme, peut-être. Disant cela, monsieur de Carquebus sauta du canapé, et se dressa devant sa sœur. « Faites-moi donc sortir d'ici » cria-t-il. Madame Méraud haussa les épaules. « Si je voulais vous faire sortir d'ici, » dit-elle doucement, « je ne prendrais pas la précaution de vous avertir, ainsi que je viens de le faire. Vous êtes un sot d'avoir eu une pareille idée. Si vous ne comprenez pas que mon amitié désire votre présence ici, comprenez au moins que mon intérêt l'exige. » Il ouvrit les yeux. « Nous nous tenons l'un l'autre, et par cela seul que nous sommes ici depuis 10 ans, nous avons aux yeux du marquis acquis le droit d'y rester. Il y a prescription, comme on dit au tribunal. Arthur ne veut pas se marier, mais enfin il peut changer d'avis. Si cela arrivait, je suis bien certaine qu'il serait retenu par la pensée qu'il faudrait rompre avec nous. Que l'un de nous parte, le droit de celui qui restera soit moins fort de moitié. Il est plus difficile de renvoyer 2 personnes que d'en renvoyer une seule, comprenez-vous? C'est vrai cela, dit monsieur de Carquebus après un moment de réflexion. Vous auriez dû le sentir depuis longtemps. C'est parce que je craignais vaguement un mariage que je voulais ouvrir cette lettre. Il faut nous méfier des femmes. D'une femme, oui, des femmes, non. On épouse une femme, on ne les épouse pas toutes. Mais le voici qui arrive, taisons-nous.